par exemple, si vous êtes une vendeuse dans un magasin, c'est votre travail, lorsqu'il y a un client qui rentre puis vous allez le saluer avec un beau sourire en disant « bonjour, comment ça va? » On s'entend tous que c'est pas parce que vous êtes son ami, c'est parce que votre patron ou votre gérant vous a demandé. Quand il y a quelqu'un qui arrive, vous allez lui dire « bonjour » puis c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes présentement en train de faire vos études dans votre bac puis que la moitié des cours que vous faites, que vous savez pertinemment que ça vous sert à pas grand-chose, c'est parce que vous espérez avoir votre diplôme puis avoir un travail dans ce que vous aimez. Si moi, j'adore mon travail, mais si vous me demandez lundi matin est-ce que si j'ai le choix de rentrer ou non, c'est je suis convaincu que je sais, je vais rester dormir un peu plus longtemps puis je vais aller m'entraîner après. Alors, si parce que les liens qui unissent les gens dans la société, c'est vraiment des liens économiques parce que l'humain produit et interagit socialement. Donc, seul, on ne peut pas s'en sortir. C'est une question de survie depuis l'histoire de l'humanité. Ce qui fait que lorsqu'on parle que l'économie, tout ce qui concerne la consommation, la production et la répartition de la richesse, c'est vraiment de la base de la société. Donc, pour étudier la société, il ne faut pas partir de ce que les humains disent, mais s'imaginent ou pensent, mais de la façon dont les humains vont produire, donc à partir des biens matériels de leur vie, parce que les biens matériels sont essentiels pour notre survie en tant qu'humanité. Donc, l'étude de l'économie, c'est fondamental parce que ça permet de comprendre les autres niveaux de la société. Puis ça peut se traduire par l'espèce de schéma de... C'est l'infrastructure économique avec la superstructure qui est par-dessus. Lorsqu'on parle d'infrastructure économique, c'est les moyens de production, dont la façon dont on va produire, avec les rapports sociaux de production. Donc, les rapports qui vont s'établir entre les propriétaires des moyens de production et ceux qui vont produire. Ou, au contraire, c'est des moyens de production qui sont socialisés, de quelle façon les êtres humains vont pouvoir socialiser. Et pour la superstructure, c'est tout ce qui est juridique, politique et idéologique. Donc, la structure économique, c'est la base. C'est vraiment ce qui permet, en dernière analyse, la société... l'analyse de la société. Lorsqu'on parle de juridique, là, juste pour montrer un exemple de quelle façon ça va être la superstructure est conditionnée par l'économie. Si on prend les lois, par exemple, une ouvrière qui travaille dans une usine où ils produisent des chaises, à la fin de sa journée, elle ne peut pas partir avec la chaise qu'elle a produite, même si ça l'a fait de ses mains. C'est sûr qu'elle peut partir avec, si personne ne la voit, elle va pouvoir ramener la chaise à la maison, mais ça se fait prendre. Le gardien, son gérant, son patron va dire « Qu'est-ce que tu fais là? Je pars avec ma chaise. » « Non, c'est pas ta chaise. »« Oui, mais c'est moi qui l'ai faite de mes mains et je l'ai produit. » Non, parce que les moyens de production appartiennent au patron, donc c'est la chaise du patron. Tu risques d'avoir une amende et de faire arrêter, et ainsi de suite. Si, par exemple, on prend le politique, là, la façon dont le système politique fonctionne actuellement, que le premier ministre qui est en haut, qui décide de tout ce qu'il veut, c'est exactement comme le patron qui décide de tout ce qu'il veut dans son usine. C'est sûr que... les politiciens bourgeois vont dire « ben là, si on veut se faire réélire à chaque 4 ans, on va faire des petites lois que la majorité de la population va être contente parce que je veux me faire réélire. » La même chose que dans la façon dont l'école fonctionne, qui est le reflet du système économique, que le prof qui est en avant dans sa classe, puis que les élèves qui sont là, puis qui écoutent, puis qui produisent. Donc, c'est vraiment le reflet du système économique. Si on parle des libertés, la liberté fondamentale dans la société, c'est surtout la liberté de pouvoir exploiter légalement avec des structures, notre voisin. Donc, imaginez, là, on a la liberté de pouvoir exploiter quelqu'un avec des cadres juridiques qui vont se transformer avec le temps. Donc, c'est une idéologie qui est extrêmement importante. Donc, les conditions économiques sont essentielles, déterminantes, mais ce n'est pas le seul déterminant. C'est-à-dire que la superstructure, entre eux, vont bien sûr influencer l'infrastructure économique. S'il y a des mouvements sociaux, des nouvelles idées, des nouvelles valeurs qui font que l'infrastructure, la manière de faire, les rapports sociaux entre les gens vont se transformer, bien sûr, l'infrastructure économique va se transformer. C'est ce qui fait que c'est pas un déterministe simpliste qui fait que l'économie détermine comment les gens vont penser, mais c'est plutôt l'économie va conditionner la façon de vivre, la façon de penser des gens, mais ça détermine pas de façon là, 1 plus 1 égale 2, là. C'est vraiment un conditionnement qui, bien sûr, peut se transformer. Donc, si la base de la société, c'est l'économie, c'est tout à fait normal de vouloir connaître davantage l'organisation économique, donc la façon dont les gens ont produit. Et c'est ce qui nous amène à faire un recul historique pour voir, depuis l'histoire de l'humanité, de quelle façon les êtres humains ont produit. Donc, c'est ce qui nous amène à voir les différents modes de production à travers le temps, là, pour en arriver au mode de production capitaliste actuellement. Donc, le premier mode de production qui a existé, là, c'est... Puis ça va être une chronologie qui est différente de l'histoire, parce que comme c'est une chronologie qui est basée sur l'économie et non pas sur les actions des êtres humains, là. Mais à chaque fois, je vais essayer de vous dire c'est relié à quelle époque historique, là, afin qu'on puisse avoir une chronologie puis les placer dans l'espace-temps. Donc, le premier mode de production, c'est la communauté primitive. C'est un rapport de production, de collaboration qui était réciproque. Il y a une relative égalité, puis ça correspond à l'époque historique qui est la préhistoire. Donc, pensez vraiment à nos ancêtres très, très, très, très, très lointains. Là. Il y a une propriété commune des moyens de production. Dans le cadre d'une petite communauté, là, on peut parler d'un groupe, d'une tribu. On peut pas vraiment parler de famille, mais même si effectivement il y a un lien familial, parce que nos ancêtres préhistoriques n'avaient pas le sens de la famille, là, parce qu'ils n'ont aucune idée du principe de reproduction. Ils n'ont absolument aucune idée comment ça fonctionne, la reproduction. Là. Même qu'avec le temps, l'évolution, on passe de pratiquement le 12 à 14 mois à 9 mois de gestation, ce qui fait que lorsque la femelle, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de femme encore, tombe enceinte, là, les gens ils sont surpris, ils ne comprennent pas pourquoi, ce qui fait que le début de l'histoire de l'humanité, c'est surtout les reproductions là, qu'on a, c'est la déesse femme, parce que la femme est magique, ce qui fait que si nos ancêtres vont, par exemple, vont se reproduire, c'est pas parce que nécessairement l'homme de Cro-Magnon homme va aller se reproduire homme de Cro-Magnon femme, c'est parce qu'il aime ça, il y a un plaisir, puis qui fait qu'il n'y a pas la différence de genre que nous on peut avoir, que donc ils le font peu importe comment, puis à un moment donné, hop, la femelle tombe enceinte, qui fait que il n'y a pas cette différence-là de genre que nous on peut avoir. C'est des forces productives qui sont bien sûr peu développées. On parle du mode de survie. La majorité du temps, ça sert à rechercher de la nourriture. Puis ils vont se nourrir de végétaux qu'ils trouvent dans la nature, à l'état comestible. Donc le premier régime alimentaire de l'être humain, là, c'est vraiment un régime crudivore végétalien, là, parce que c'est tout ce que c'est raw vegan, là, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent utiliser, parce qu'ils se nourrissent. Donc l'être humain s'est basé sur ce type de diète-là pendant des centaines et des centaines d'années. Avec l'apparition du feu, ils vont pouvoir élargir leur source d'alimentation, ce qui fait qu'ils commencent à se nourrir un peu plus, qu'ils peuvent passer moins de temps à rechercher la nourriture parce qu'ils peuvent, bien sûr, la cure, et c'est plus facile pour la digestion. Là. Pour ceux qui mangent de la viande, essayez de manger de la viande crue ou de la viande cuite, là, vous voyez la différence de digestion. Alors imaginez notre ancêtre préhistorique lorsqu'il découvre le feu et qu'il peut se mettre à pouvoir manger les carcasses, c'est un peu différent pour lui. Les bâtons, les pierres vont être utilisés comme outils, bien sûr, rudimentaires, puis tranquillement, pas vite, la lance avec le petit bout de pierre, puis l'arc et les flèches. Les outils de pierre taillés vont permettre aussi de tailler le bois qui va servir pour les habitations. Donc, ils vont pouvoir commencer à non plus être uniquement le nomade, se promener, mais être de plus en plus sédentaire. Et de toute façon, même lorsqu'ils sont nomades, donc ils vont suivre les troupeaux pour se nourrir, c'est pas qu'ils marchent pendant des années, des années, des années sans arrêt. Ils vont suivre un troupeau, vont s'installer là quelques semaines, quelques mois, et donc vont pouvoir commencer à bâtir des habitations et bien sûr ensuite suivre le troupeau afin de se nourrir et de pouvoir survivre. Il n'y a aucune exploitation entre les êtres humains à cette époque-là parce qu'il n'y a pas de surplus. Il y a uniquement le strict nécessaire pour pouvoir survivre. C'est une égalité homme-femme, c'est-à-dire que je pourrais parler de femelle à l'époque, mais là, je commençais à parler d'homme-femme. Là. La femme va suivre, bien sûr, les hommes à la chasse, ce qui fait qu'elle peut se retirer de la chasse uniquement lorsqu'elle va être enceinte puis où elle doit s'occuper de l'enfant, parce qu'elle reste plus loin. Parce que, bien sûr, le bébé, lorsqu'il pleure, ça peut effrayer les animaux. Donc, ils vont comprendre tout de suite que s'il y a plus de bruit, ben c'est pas propice pour la chasse. Donc, la femme va rester à l'écart. Mais lorsque les animaux vont être abattus, la femme revient, s'occupe, bien sûr, des carcasses pour ramasser la peau, ramasser la viande. Et dès que l'enfant est capable de s'occuper par lui-même, la femme retourne chasser avec le groupe. Fait qu'il n'y a pas cette différence que la femme va faire tel type de travail, puis l'homme va faire tel type de travail. Ou s'il y a une différence, c'est vraiment en lien avec la survie. En ce qui concerne bien sûr les prisonniers, parce que les tribus peuvent se faire la guerre, soit les prisonniers, parce que s'ils sont en mode survie puis ils n'ont absolument rien, ils sont en train de crever de faim puis ils tombent sur une autre tribu que eux ont de la nourriture, les échanges ne se font pas de manière pacifique, mais vont se faire aussi par la guerre. Ça fait que les prisonniers de guerre sont soit carrément assassinés ou mangés, parce que ça fait de la nourriture pour eux. Ou bien sûr, les survivants peuvent être réintégrés dans le clan, dans la tribu. Le perfectionnement des outils va amener un changement dans les rapports de production. C'est-à-dire que s'ils sont capables d'améliorer la façon de produire, ils sont capables de commencer à développer un surplus. C'est ce qui amène la décomposition du premier mode de production qui est avec la communauté primitive, parce qu'ils vont commencer à avoir un surplus. La première division du travail qui amène un surplus, c'est la domestication des animaux, c'est l'élevage. Ils comprennent que si pendant des semaines, on doit suivre des animaux pour pouvoir se nourrir, les tuer pour se nourrir, si à un moment donné, on réussit à les mettre prisonniers dans un enclos, dans un endroit, dans un précipice, où on peut les contrôler, c'est plus facile de se nourrir parce qu'on n'a pas à leur courir après pendant des semaines et des semaines. Donc, la première division du travail dans l'histoire de l'humanité, c'est vraiment l'élevage. Bien sûr, après, de la cueillette à l'agriculture, donc la deuxième division du travail, ça va être vraiment l'agriculture, ce qui fait qu'ils se rendent compte que maintenant, on peut cultiver, il y a certains types de fruits qu'on est capable de trouver, on ramène les graines, on peut le planter, et même chose pour le blé, les céréales, et ainsi de suite. C'est ce qui va amener nos ancêtres de passer du nomadisme à la sédentarité, donc ils vont pouvoir commencer à s'installer, à non plus être de bouger d'un endroit à l'autre. L'amélioration de la production favorise l'augmentation de la population et le fait qu'il y a l'élevage et l'agriculture, il commence à avoir une division du travail, une division des tâches, et c'est l'apparition du patriarcat. Pourquoi le patriarcat apparaît? C'est parce que nos ancêtres commencent à comprendre comment la reproduction fonctionne. Ils ont parqué des animaux dans un enclos, puis là, ils comprennent que l'animal mâle fait quelque chose avec l'animal femelle, puis un peu plus tard, il y a un petit qui arrive. Alors, ils se rendent compte, peut-être que nous, ça fonctionne comme ça. Ce qui fait que dans l'imagerie de nos ancêtres, on passe de la déesse femelle au dieu mâle reproducteur avec le pénis long dans les statues, parce qu'eux disent « Ah, mais finalement, c'est le mâle qui donne la vie, donc le mâle a une importance. » Et il y a bien sûr la violence qui fait que le mâle plus fort décide de « Ben, c'est nous qui font la guerre, c'est comme ça qu'on fait. » Et en plus, l'homme va s'occuper de la domestication des animaux, qui fait que ça devient ses animaux. Je les nourris. Je m'en occupe, alors s'il y a du lait ou si je l'abats pour me nourrir, ça va être à moi, c'est non plus au reste de la tribu, c'est vraiment à moi. Et avec l'apparition des surplus, ils vont vouloir transmettre leur surplus à leur descendance. Et on n'a aucun moyen de prouver, on peut savoir qui est notre mère, mais qui n'est jamais notre père, à moins d'avoir une famille... vraiment là, l'homme, la femme et les enfants. Donc l'homme est sûr que ces enfants-là, c'est les siens, donc il va pouvoir transmettre ses surplus. Donc c'est vraiment l'apparition du patriarcat avec la division du travail. Bien sûr, c'est l'amélioration de la production, le vol, la guerre entre les autres tribus, le village. Ils vont se rendre compte que si, au lieu de tuer les prisonniers de guerre, ils les ramènent dans leur village pour les faire travailler pour eux, ben, la production va augmenter. Ce fait que ce n'est pas une personne qui travaille, mais 10 personnes, donc il y a deux fois plus de surplus. Et on en arrive au deuxième mode de production qui va être l'esclavagisme. C'est vraiment à la fin de l'époque préhistorique, la population augmente, les villages grossissent, et c'est l'apparition des premières formes d'État, parce qu'on doit protéger le surplus. On doit codifier le fait que le chef du village, ben, si c'est lui qui possède le plus de bêtes, qui possède le plus grand nombre de champs, donc il doit justifier ses possessions. Et bien sûr, si le village doit se défendre d'un autre village, ben, ce qui va diriger, ainsi de suite. Donc c'est vraiment la partie des premières formes d'État. Avec l'esclavagisme, donc le mode de production, c'est un rapport avec les esclaves. C'est vraiment esclaves, maîtres, les maîtres qui sont les propriétaires d'esclaves. Les maîtres sont propriétaires des moyens de production, mais aussi de la force de travail, qui est l'esclave, le moyen de production. Donc, si on pensait, une bêche ou l'ancêtre de la pelle, ça appartient aux propriétaires, aux maîtres, mais aussi les esclaves appartiennent. Ça correspond à l'époque historique de l'Antiquité. Le rapport politique est fondé sur la violence d'une population sur une autre. Donc, l'esclavage est extrêmement violent, c'est basé sur les conquêtes, sur le pillage. L'esclave est considéré comme du bétail. Il a le statut de moyen de production. Ce n'est plus un être humain, c'est vraiment un outil de travail. Les propriétaires forcent les esclaves à travailler en dégageant un produit, puisque ça dépend de ce que le propriétaire doit payer pour les nourrir. Ce surplus, ça enrichit le propriétaire. Bien sûr, les esclaves ne sont pas intéressés à travailler, là, même encore de nos jours. Il n'y a personne qui est intéressé à travailler pour un propriétaire dans l'esclavage. Ce qui fait que c'est un mode de production qui a un faible rendement. Les esclaves qui sont inaptes au travail vont bien sûr être mis à mort parce qu'ils sont, vont être remplacés. Les morts sont remplacés par d'autres esclaves. Alors, ça fait, il y a besoin de beaucoup d'esclaves, donc ils vont faire des guerres et les sociétés esclavagistes vont être en guerre perpétuelle afin d'augmenter le nombre d'esclaves pour augmenter leur production, entre autres leur production agricole. L'esclavage, ça a permis un développement de la production à grande échelle et ça a permis à la civilisation de progresser. Si les Grecs ont pu parler de philosophie, de se ramasser dans un champ pendant des jours et des jours à dire que la vie, comment ça fonctionne, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillaient pour eux pendant ce temps-là. Il n'y avait pas besoin d'aller au champ pour cultiver, pour se nourrir, parce qu'il y avait des esclaves qui le faisaient. Donc, même si c'est un mode de production basé sur la violence, sur l'exploitation, ça a quand même permis un développement de l'humanité, entre autres aussi la pensée, la philosophie. Si on parle par exemple l'Empire romain, si les Romains ont pu se développer dans l'architecture, les ingénieurs, développer des ponts, développer des routes qui existent encore de nos jours, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillaient pour eux. Donc l'esclavage a quand même permis une certaine progression de l'humanité. Lorsqu'on parle de la décadence de l'esclavage, c'est une technique. Les techniques de travail, surtout dans l'agriculture, ne sont presque pas développées. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent. Ils n'ont pas besoin de penser à développer des outils qui vont favoriser l'agriculture, puisque amplement des gens qui vont le faire. Puis si ces gens-là meurent ou sont blessés, on va les remplacer par encore plus de personnes. Ce qui se développe, c'est surtout la production d'objets de luxe, des armes, des palais, des temples, des routes militaires et des routes marchandes. Donc, c'est vraiment les propriétaires d'esclaves qui vont faire produire qui pour eux, pour leur luxe personnel, ou les armes, les routes. Si les Romains construisent des routes, c'est parce que ça leur prend des routes, c'est plus facile pour faire avancer les légions, pour pouvoir aller en guerre contre des territoires reculés pour récupérer des esclaves. Par contre, le manque d'esclaves et les paysans libres et les maîtres sont en minorité. Ça diminue la possibilité de mobiliser pour les guerres, donc de se procurer de nouveaux esclaves. Alors, à un moment donné, quand les esclaves deviennent en majorité, lorsque les maîtres se disent « ben là, on a encore besoin d'esclaves, mais on n'a plus d'hommes libres, on a moins de soldats pour aller conquérir des régions, on a besoin de monde. » Ben, ils ne peuvent pas demander à leurs esclaves « veux-tu venir avec moi conquérir des territoires, puis après, ben, tu vas être encore un esclave, puis tu vas avoir d'autres esclaves. » Bien sûr, les esclaves ne veulent pas y aller. Alors, ils commencent à penser au moyen si on donnerait une espèce de liberté à ces gens-là, en disant « viens avec moi, on va aller chercher d'autres gens, mais quand on va revenir, tu ne seras plus un esclave. Je vais te donner un bout de terre que tu vas pouvoir cultiver, tu vas pouvoir t'occuper de ta terre comme tu veux. » Mais en même temps, tu vas me donner un surplus pour me remercier puis parce que tu m'appartenais avant. Alors, il commence à avoir un nouveau mode de production. Et à l'époque, énormément d'insurrections d'esclaves parce qu'ils n'acceptent pas leur situation. Et il commence à avoir un certain soutien des couches pauvres qui sont dans la ville, des hommes libres, des ouvriers qui construisent, ou ce qu'on appelle l'homme plein prolétariat, les gens qui ont été déclassés, des artisans libres qui ont tout perdu, qui se retrouvent, lorsqu'on parle du pain et des jeux, puis qu'à Rome, les Césars vont envoyer de la nourriture pour cette population-là, qui ne fait absolument rien parce qu'ils ont été déclassés, ils ne possèdent pas de moyens de production, puis ils ne peuvent pas les produire, donc ils ne peuvent pas être esclaves. Alors c'est vraiment là. Ces gens-là vont être en accord avec les révoltes d'esclaves. Et au même moment, il y a les invasions des tribus germaniques. Donc, l'Empire romain va s'effondrer parce que les Romains sont en guerre. Rome est en guerre depuis des siècles et des siècles avec les tribus au nord parce qu'ils doivent aller chercher des esclaves. Mais les tribus germaniques vont conquérir les territoires romains. Et les terres qui vont être prises aux Romains sont attribuées par les rois germaniques qui sont des chefs militaires, qui vont donner certaines terres qu'ils ont pris aux Romains à leurs guerriers. Et comme c'est une époque de guerre perpétuelle, la production paysanne ne peut exister sans la protection des chefs militaires. Donc, on va arriver à un nouveau mode de production qui est le féodalisme, donc le rapport seigneur et serf. Donc, c'est un rapport de servitude. Les serfs, qui sont les paysans non libres, et les seigneurs, c'est un espèce de rapport de soumission et de protection. Ça correspond à l'époque historique du Moyen Âge, c'est-à-dire que le seigneur est propriétaire de sa terre. Les serfs, donc les anciens esclaves qui ont réussi à obtenir une semi-liberté, vont pouvoir cultiver un lopin de terre sur cette terre-là, mais les serfs, les paysans non libres, appartiennent au seigneur. C'est-à-dire que si deux seigneurs se font la guerre et ils perdent sa terre, automatiquement, les paysans qui sont sur cette terre-là reviennent au seigneur. Et en échange, le seigneur va offrir protection à ses paysans. Comme ils sont en guerre, tout le monde se fait la guerre, le paysan dit, « Moi, je ne suis pas un guerrier, moi, je cultive, mais pour me protéger, ça prend quelqu'un qui va le faire, le seigneur, avec des gens qui vont se spécialiser dans les combats, donc les chevaliers, qui, en échange de la nourriture, vont offrir une protection. » Et ça va être même, c'est codifié, c'est un contrat, ce qui fait que le serf peut cultiver comme il veut, quand il veut, donc il y a une semi-liberté, mais en échange, doit donner de la nourriture à son seigneur, doit offrir des journées de corvée pour la construction de... peu importe, là, ça peut aller des remparts au moulin, et ainsi de suite. Et si, par exemple, le paysan, lorsqu'il décède, puis il n'a pas de descendance, sa terre, comme elle appartient au seigneur, le seigneur peut décider qui va se retrouver avec cette terre-là. Et comme le serf appartient au seigneur, on ne peut pas dire du jour au lendemain, là, ben là, finalement, moi, je suis tanné d'être ici, je pars de ma terre, puis je vais aller dans les régions lointaines pour pouvoir m'établir. Non, il appartient au seigneur. Ces paysans sont partiellement libres, sont attachés à la terre, ils sont vendus avec, produisent une partie pour eux, une partie pour leur maître, et le surproduit et la corvée et les redevances sont en nature ou en argent beaucoup plus tard, dans la fin du Moyen-Âge. Les paysans vont se regrouper autour des villes afin, bien sûr, d'assurer la protection. Les villes habitées, ce qu'on appelle à l'époque des bourgs, sont habitées principalement par les artisans et les marchands qui ont de plus en plus de pouvoir. Les redevances sont de plus en plus perçues en argent. Ça va favoriser la production marchande, mais en échange, pas en échange, mais ce que ça fait, c'est que ça l'oblige le paysan à aller vendre sa production au marché pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir redonner de l'argent au seigneur. Donc, l'argent nécessaire au paiement des impôts. Il va bien sûr avoir énormément de soulèvements paysans à l'époque, mais ils n'ont aucun allié dans les villes, parce que les artisans, les marchands, la manière que ça fonctionne, ça fait leur avantage, parce que si le paysan doit venir vendre sa production, ben, qui peut l'acheter, qui a l'argent? Les marchands et bien sûr les artisans. Les serfs, donc les paysans, s'ils manquent de terre pour leurs descendants vont se retrouver dans la ville, parce que comme il y a une augmentation de la production, augmentation de la qualité de vie, la population de l'humanité va augmenter. Ce qui fait que, au début, si le paysan il a deux fils, il peut séparer sa terre, pas de problème. Et ces deux fils-là ont chacun deux descendants, parce que la filiation se fait encore de façon de père à fils. Ces deux descendants-là doivent diviser leur terre en deux, qui fait que finalement, le dernier, il a un petit lopin de terre, puis il dit « je ne peux pas survivre ». Alors, si je veux survivre, si je veux travailler, pas le choix, s'en va en ville. Les marchands, en ville, on retrouve les marchands, les artisans, les paysans libres et ceux qui sont expulsés dans les bourgs. Ça va favoriser le développement de l'artisanat. Parce que le paysan déclassé, lorsqu'il arrive en ville, il faut qu'il se trouve un travail. Alors, il va aller voir les artisans. Ah, ben, cordonnier, forgeron. Ah, moi, cordonnier, ça m'intéresse. Il va voir le cordonnier, il dit, ah, ben, est-ce que tu peux me montrer ton travail? Alors, il devient un apprenti parce qu'il est en apprentissage. Alors, en échange, je prends l'exemple du cordonnier, là, l'artisan cordonnier va nourrir, loger son apprenti, va lui montrer son métier. Ce qui fait qu'il est pleinement seul pour faire des paires de chaussures, mais ils sont deux. Mais c'est un apprenti, parce que les premières années, il ne connaît pas son métier, donc les paires de chaussures ne sont pas très, très bien réussies, donc il ne peut pas vraiment vendre toute la production. C'est pour cette raison-là qu'il va le nourrir et le loger. Lorsque l'apprenti termine sa formation, il peut s'en aller dans une autre ville, s'en aller dans un autre village, ou même si la ville s'est agrandie, aller dans un autre coin de la ville, et ils s'entendent. Et c'est ce qu'on appelle les premières corporations des artisans, parce qu'ils doivent s'entendre comment ça fonctionne. Et ensuite, ils doivent s'entendre, si on a du surplus, on doit avoir des entrepôts communs. Alors, les corporations, les gens, ils doivent s'entendre. Fait que sous le féodalisme, le lien, par exemple, avec l'argent, c'est que j'ai une marchandise, je fais des chaussures, je les vends, j'ai de l'argent pour pouvoir me racheter d'autres marchandises, pour pouvoir me racheter de la nourriture, augmenter, racheter du fer pour le forgeron, et ainsi de suite. Fait que le lien avec l'argent, c'est vraiment un lien d'échange, comparativement à actuellement, où l'argent sert à s'accumuler encore plus d'argent. Donc, c'est vraiment, j'ai une marchandise que je vends pour avoir de l'argent, pour avoir une marchandise. Lorsqu'on parle de la décadence de la féodalisation, l'accumulation de capital, à un moment donné, il y a trop d'apprentis. Ce qui fait que l'artisan dit, ah ben, je ne peux pas nourrir, loger 10, 15, 20 personnes. Ça n'a pas d'allure, j'arrive pas. Alors, ce que les artisans vont faire, ah ben, ces gens-là, au lieu de les nourrir et les loger, je vais leur donner un salaire je vais quand même leur montrer comment ça fonctionne, mais je vais leur donner un salaire pour les pièces, les marchandises qu'ils vont produire. Alors, ce ne sont plus un apprentissage, mais c'est vraiment un salaire, c'est du salariat. Ce qui fait que, petit à petit, les artisans se rendent compte que, ah, mais finalement, plus nourris logés, fait qu'ils doivent se loger, ils doivent se nourrir avec leur nourriture. Et si je les mets dans la même bâtisse, je peux augmenter ma production. C'est l'apparition des premières manufactures. Donc, les artisans qui travaillent désormais comme ouvriers salariés sont dépourvus des moyens de production. Ce qui fait que les machines ne leur appartiennent pas. Le marteau que l'ancien artisan qui est devenu un ouvrier, même spécialisé, utilise, ce n'est plus son marteau, mais c'est le marteau du patron. Et qui avait l'argent pour investir dans ces outils-là, dans ces moyens de production, c'est bien sûr les marchands, les beaux, et ça va être l'apparition de la bourgeoisie, donc ceux qui habitaient les beaux. Lorsqu'on parle de la décadence féodaliste, c'est la grande production, on voit l'apparition de la grande production qui est basée sur le capital, donc l'argent investi qui apparaît. Donc, ce n'est non plus uniquement, moi je recueille 2-3 personnes pour faire ma production, mais j'ai des moyens de production, j'ai de l'argent, je peux investir, m'acheter une usine et commencer à faire produire ces gens-là. Donc, il va même avoir une division de travail qui va se réaliser à l'intérieur des manufactures. Et la dépendance des serfs, ça prive les propriétaires des manufactures de main-d'œuvre. Parce que si le paysan appartient à la terre du seigneur, ben, il ne peut pas partir et aller travailler en ville si maintenant les propriétaires ils ont besoin de plus en plus de main-d'œuvre pour augmenter leur production. Alors, il y a vraiment une lutte de pouvoir entre la bourgeoisie naissante et l'aristocratie féodale. La bourgeoisie, les masses urbaines petites bourgeoises, donc oui, il y a quand même certains artisans qui continuent à produire de façon réduite, et avec les masses ouvrières et les paysans, il y a une énorme poussée pour abolir le régime féodal. Et on en arrive au mode de production actuel qui est le capitalisme. Et je passe la parole à Guillaume. Ouais. En tout cas, j'appelle la personne qui va faire la traduction. Mais dans le fond, l'apparition du capitalisme, la manière dont ça s'est. L'apparition du capitalisme, ça a commencé de manière agricole principalement, parce que dans le fond, en Angleterre, comparativement en France, le régime de propriété était différent. Le régime de propriété, comme il y avait un État qui était centralisé, qui avait un pouvoir militaire centralisé en Angleterre, comparativement à France, puisque le pouvoir, il y avait encore un grand pouvoir qui était possédé par les personnes genre, qui contrôlaient les différents baux, par les seigneurs. Comme il y avait un pouvoir qui résidait là, ben, concrètement, genre, il y avait une création de pouvoir par la création, des paysans. Alors qu'en Angleterre, la manière dont ça se faisait, c'était le régime du fermage. Le fermage était caractérisé par le fait que c'était une domination beaucoup plus. C'est une domination qui apportait un bénéfice strictement économique, à la personne qui engageait un fermier pour cultiver la terre. Fait que concrètement, ce que ça a fait, c'est que ça a augmenté énormément la production paysanne, à cause que les fermiers, les seuls qui se faisaient engager pour cultiver une terre, ben, c'était ceux-là qui étaient les plus productifs. Fait que concrètement, puis en même temps, ben, ça a eu un double effet. L'autre effet que ça a eu, c'est de créer une espèce de classe. Juste une interruption. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait en mesure de faire la traduction du français vers l'anglais? Parce que là, c'est un contenu assez. Là, c'est du français vers l'anglais, en l'occurrence. Ici, non? Oui. OK. Ah, ben, si jamais tu veux aller, il y a deux. Quoi? Tu veux faire la traduction? Ou je peux faire. Ouais, c'est possible. Il y a des personnes ici qui parlent strictement anglais. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Soit dit en passant, c'est parce que la personne qui a cette tâche n'est pas venue encore. Puis on est désolé. OK. Fait, dans le fond, c'est ça. La caractéristique genre du système de. La caractéristique du système de production anglais à l'époque, c'était vraiment d'avoir. C'était de créer une capacité économique plus grande, puis avec le fait d'avoir une terre, ben, ça donnait plus d'argent pour pouvoir acheter plus de terre. Dans le fond, c'est ça la caractéristique qui fait la différence entre les systèmes qui sont considérés comme pré-capitalistes, puis les systèmes qui sont encore féodales. Concrètement, ce que ça a fait, c'est que il y a eu deux effets. Ça a fait que il y a un plus grand contrôle qui a été fait. Il y avait une augmentation de la productivité des terres. Il y avait des paysans qui étaient chassés des terres les plus fertiles parce que dans le fond, ils n'étaient pas assez des fermiers productifs. Puis en même temps, il y a eu un groupe d'individus qui a développé une énorme masse de capitaux à investir sur des terres parce qu'ils étaient habitués d'engager des fermiers, qui étaient les plus compétents. Puis ce que ça a amené, c'est que ça a amené une raréfaction des terres en Angleterre qui a amené le mouvement des enclosures. Fait, concrètement, c'était le fait d'enclore les terres pour définir, dans le fond, la propriété terrienne, d'un propriétaire particulier pour éviter que les gens qui étaient sur les terres, qui vivaient du droit de veine pâture qui existait à l'époque, qui était le droit de n'importe qui de pouvoir juste aller cultiver un bout de terre qui traîne, tu sais. Fait que concrètement, le mouvement des enclosures, c'est apparu au début du 16e siècle, puis c'était des propriétaires terriens, qui disaient, ben moi j'ai besoin de plus de terre pour continuer à développer plus de productivité, fait que je vais continuer, d'acquérir des terres, fait que je vais mettre des clôtures autour de ça. Ça, c'était surtout relié, à un moment donné, il y a eu une augmentation du prix de la laine. Fouillez-moi pourquoi, parce qu'il y avait déjà des fluctuations des échanges, puis il y a une augmentation du prix de la laine, fait que tu sais, il y avait besoin de plus de terres pour faire l'élevage de moutons. Fait que concrètement, ils se sont mis à chasser les gens des terres pour, avoir de plus en plus, d'espace pour faire de la laine pour les personnes qui habitent, pour avoir des marchandises à échanger. Concrètement, ce que ça produit, ça a créé une énorme masse de travailleurs en ville. Puis c'est là que c'est vraiment important de voir la relation entre l'État puis le capital. Parce que dans le fond, les travailleurs, les paysans, les fermiers qui étaient en campagne, ont immigré de manière massive vers les villes. Parce que concrètement, il n'y avait plus de travail, ils se faisaient chasser, puis il y avait besoin de beaucoup moins de monde pour faire du travail rural à cause que la productivité en milieu agricole était devenue beaucoup plus supérieure. Fait que dans le fond, il y avait du monde pour cultiver toutes les terres, fait qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient en ville. Concrètement, ce que ça a produit, c'est que l'État anglais comprenait pas, vraiment pourquoi il y avait tout ce monde-là, qui se mettait à quêter dans les rues, qui comprenait pas, pendant vraiment longtemps, pourquoi les gens sont déplacés de manière massive vers les villes, qu'il y avait de plus en plus d'itinérance, qu'il y avait de plus en plus d'individus qui étaient chassés vers les villes. Concrètement, ça a amené la création des asiles, ça a créé la création des prisons, ça a amené ce qu'on appelle le mouvement du grand enfermement, parce que, par exemple, il y avait des épidémies qui se créaient en ville, puis il y avait plein d'individus, qui étaient là, puis qui étaient considérés comme des improductifs. Fait que, ils se décidaient de juste les emprisonner pour empêcher, que ces gens-là transfèrent la peste les uns aux autres, qui ne savaient pas trop l'origine des maladies. Puis, concrètement, ça a été énormément un rôle de l'État. Puis, progressivement, autour du 17e, jusqu'au 18e siècle, il y a eu vraiment une spécialisation puis une transformation de ça, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui étaient dans les asiles, dans les prisons, dans les différents établissements qui, au début, c'était tout mélangé d'un tas, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui pouvaient travailler là-dedans. Fait que, ils se sont dit, on va essayer de faire du cash avec ça, puis on va faire des workhouses. Puis, c'est un modèle anglais, qui a été développé. Fait que dans le fond, pour être capable d'avoir une subvention, pour avoir le droit de te faire donner une subvention qui permettait la capacité de vivre, il fallait que tu ailles à la workhouse pour faire du travail. Concrètement, ça a fonctionné pendant un bout de temps, sauf que ça a créé des conditions de travail qui étaient vraiment dégueulasses. Fait que dans le fond, ensuite de ça, ensuite de ça, il y a eu d'autres régimes qui ont été mis en place. Par exemple, la loi de Spinhamland. C'est un régime qui a été mis en place. Dans le fond, c'est la première forme d'aide sociale, dans le fond, qui a été créée. Dans le fond, ça visait à donner aux gens l'équivalent, de 2 livres de pain par semaine en échange, en échange du travail. Fait que dans le fond, les gens dans la paroisse de Spinhamland, parce que c'était des régimes paroissiaux, si jamais ils étaient employés, peu importe le salaire, parce que il n'y avait pas de conception de salaire minimum à l'époque, il n'y avait rien. Si les gens, si jamais ils étaient jugés comme employés, peu importe leur salaire, la paroisse allait donner des subventions pour complémenter leur salaire, pour arriver à un stade où ce que leur salaire allait équivalent à deux livres de pain par semaine. Fait que concrètement, ce que ça a eu comme effet, c'est un effet de normalisation du travail, Parce que, dans le fond, comme c'était obligatoire de travailler pour avoir le droit de vivre, bien, tout le monde était rendu à un stade où ils travaillaient, puis que même si jamais ils travaillaient pas beaucoup, c'était un régime qui était absolument improductif, là, parce que les gens ils se sentaient forcés. Fait que, ils allaient travailler juste pour dire qu'ils allaient travailler. Concrètement, ça a amené une réduction énorme de la productivité en Angleterre à cette époque-là, en même temps que ça a fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus de monde qui travaillait. Concrètement, ça a créé un système qui était absolument insoutenable à moyen terme, pour la simple et bonne raison que la productivité descendait de plus en plus, mais en même temps, il y avait de plus en plus de monde qui était employé, mais c'était absolument insoutenable. Sauf que ça a créé une normalisation du travail, puis ça a fait que monsieur, madame, tout le monde, ben, c'était comme rendu pour avoir le droit de vivre, ben, il faut travailler. C'est un régime qui a duré pendant 40 ans en Angleterre, de 1795 à 1834. Puis, cette forme de mesure-là, ensuite, ben, comme était insoutenable, ils n'ont pas eu le choix de l'abolir. Fait que tous les gens qui avaient été contraints par une forme de workfare, tu sais, dans le fond, par une forme d'aide sociale qui leur demandait un travail, tous les gens qui avaient été contraints de travailler à se réduire à des conditions de travail misérables, ben, à un moment donné, ça a juste fait qu'ils ont coupé l'aide financière à ces gens-là, puis que tout le monde qui était déjà habitué à travailler se sont juste mis à travailler plus. Fait que, dans le fond, ça a été la mesure de Spinelli. Ça a créé genre, énormément de révoltes par rapport à ça. Mais, bref, c'est ça. Fait que, c'est comme juste vraiment important de voir que, à cette époque-là, ben, c'est vraiment comme ça que le libre marché pour la force de travail a été créé. Ça a été vraiment comme ça, au cœur de la première révolution industrielle, que la force de travail elle a créé et elle a été, voyons, la liberté d'échanger de la force de travail. Ça a été créé par un État intervenant. T'sais, je veux dire, il n'y a jamais eu de marché libre. Le marché libre, s'il a pu s'implanter, c'est strictement parce qu'il y avait un État qui intervenait dans le but de mettre en place, dans le but de faciliter la mise au travail des individus. Fait que à partir de là, on voit un peu comment est arrivé genre la forme capitaliste. Puis là, on va juste la développer un peu plus. Comme disait Nick, préalablement, le travailleur s'en va au marché avec une marchandise. Puis concrètement, genre dans la situation genre de l'Angleterre de l'époque, le travailleur allait avec la marchandise force de travail parce que c'est tout ce qu'il avait. Il venait de se faire chasser de sa terre. Il avait juste à vendre sa force de travail concrètement. Il l'échangeait pour un salaire. Puis après ça, ben, ça lui permet d'avoir des subsistances, c'est-à-dire d'autres marchandises. Fait que ça, c'est la forme MAM. Fait que dans un marché qui est neutre, il arrive avec une marchandise qui échange contre de l'argent, puis qui se reçoit contre une marchandise. Sauf que, il y a quelque chose qui est très caractéristique de l'époque, c'est que, comme il y avait des individus, par exemple les propriétaires terriens, qui tiraient un profit de l'exploitation, des agriculteurs des terres anglaises, eux autres arrivaient avec de l'argent sur le marché. Puis, ils arrivaient sur le marché avec de l'argent qui visait à échanger pour des marchandises dans le but de faire plus d'argent. Fait que ça a créé la forme MAM. Puis, ce qui s'est produit avec... AMA. Oui, oui. Exactement. AMA. Argent, marchandise, argent. Puis, la manière dont les capitalistes, ben, qu'on va appeler capitalistes à partir de ce stade-ci, ont réussi à être capables de faire un profit sur des échanges, c'est en achetant la marchandise force de travail. Parce que la valeur des choses est en fonction de leur coût de production, c'est de la valeur inhérente que le temps de travail qui est socialement nécessaire à leur reproduction. Fait que concrètement, une journée de travail, ça coûte ce que ça prend pour te nourrir, te vêtir, puis te permettre de te reproduire, puis d'avoir une vie genre à l'extérieur qui te permet d'avoir ce que ça te prend pour survivre. Fait que bref, c'est le coût de la marchandise force de travail est différent de la quantité de travail qui peut être produite par le travail. Fait que si jamais je te nourris pendant une journée, tu vas produire plus que ce que ça va te coûter pour te nourrir. Fait que concrètement, en achetant, en ayant de l'argent, si jamais tu achètes des moyens de production, du travail, qui coûte moins cher que ce qu'il produit, tu peux ensuite avoir d'autres marchandises qui vont avoir été transformées socialement, que tu vas pouvoir revendre pour plus cher. Est-ce que ça va pour tout le monde? Puis, ben, bref, c'est essentiellement la base du système capitaliste. C'est cette relation-là que les propriétaires des moyens de production peuvent déterminer, ont un rôle à déterminer, la manière dont le travail est fait. Concrètement, quand on s'approprie la force de travail, c'est un droit d'usus et d'abusus. On a le droit de déterminer la manière dont est fait le travail, dont on achète. On a le droit de déterminer la transformation dont les modes de production sont faits à l'intérieur. Par exemple, le contrôle technologique, par exemple, l'utilisation de nouvelles techniques. Plus concrètement, c'est que quand le capitalisme s'est développé, aussitôt qu'il y avait des gens qui étaient capables d'investir de l'argent pour avoir des moyens de production, pour avoir plus d'argent, ça a créé un mouvement de capitaux récurrent, qui devient de plus en plus fort, puis de plus en plus important. Puis c'est de ce dans quoi on vit présentement, c'est un système économique qui a besoin de croissance, de plus en plus de croissance pour être capable de fonctionner. Concrètement, genre le système capitaliste, il a continué de croître, puis il a continué d'avoir une augmentation des capitaux qui sont échangés, de manière concrète, genre depuis qu'on a inventé les statistiques, depuis la fin, depuis le milieu du 18e siècle. Par rapport à ça, c'est vraiment important de voir que les mouvements de résistance ont suivi, ont apparu dès les premières formes de capitalisme. Dès qu'il y a eu les premières enclosures, il y a eu des diggers, puis il y a eu des levelers. Les levelers, c'était ceux-là qui égalisaient les terres en enlevant les clôtures. À cause qu'il y avait beaucoup de mouvements de sabotage, genre de gens qui allaient détruire les clôtures pour, à cause que ça, c'est comme ça n'a pas d'allure de faire. Du pâturage de moutons alors qu'il y a du monde qui vit là, puis il y a des gens qui sont comme chassés de leur terre, qui ont vécu là pendant des années, ça n'avait aucun bon sens. Fait que, il y avait des gens qui détruisaient les clôtures, puis déjà, dans les villes, il y a déjà eu des mouvements politiques, les levelers, qui se réclamaient du fait de détruire les clôtures. Fait que, il y avait déjà du vandalisme, entre guillemets, puis il y avait déjà des gens qui s'en réclamaient et qui disaient « oui, c'est important de faire du vandalisme, c'est important de se battre contre ces inégalités-là ». C'était des mouvements essentiellement religieux en Angleterre à l'époque. C'était des mouvements essentiellement religieux à l'époque qui se battaient contre ça. Éventuellement, l'espace de lutte, il y a d'autres formes aussi qui sont vraiment liées à la période de l'échange. Par exemple, le banditisme social. Tout le monde a vu un peu Robin des Bois. Tout le monde sait qui Robin des Bois. Mais c'est vraiment important de voir que c'est un phénomène transculturel. Que les habitants de régions, se sont toujours structurés de manière à être capable de voler des convois de marchandises qui circulent, puis de créer des alliances avec des villages aux alentours pour être capable d'écouler les marchandises en échange d'une protection des bandits qui vivent dans la région. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est un phénomène qui est transculturel. Genre, ça s'est produit au Mexique, ça s'est produit au Brésil, ça s'est produit en Inde. Je veux dire que les gens attaquaient les convois au fur et à mesure qu'il y avait un développement d'une production centralisée, qu'il y avait une plus grande utilisation des routes. Puis, ça s'est toujours fait. T'sais, en même temps qu'il y avait des formes de résistance comme ça, si on veut vraiment voir ça d'une manière dialectique, c'est vraiment important d'observer qu'il y avait d'autres personnes qui essayaient d'intellectualiser les formes de résistance, qui essayaient d'intellectualiser les formes d'organisation qu'on pourrait prendre pour essayer de ne pas vivre dans l'oppression capitaliste. Fait que dans le fond, ça a donné naissance à Charles Fourier, par exemple, qui est un des premiers socialistes français, qui a donné des idées à Proudhon, qui ensuite a donné des idées à Marx, ensuite de ça, a créé comme un courant anticapitaliste plus général, qui ont développé beaucoup d'idées. Puis, par rapport à ça, c'est vraiment important, de comprendre que les mouvements de résistance n'ont pas resté strictement ancrés, dans le niveau économique. Par exemple, dans la Commune de Paris, c'est là qu'il y avait les premiers articles de journaux féministes qui sont apparus, puis qu'il y avait des premiers textes féministes qui apparaissaient dans les mouvements de résistance révolutionnaires. Fait que, c'est vraiment important de voir que la critique du mode économique capitaliste vient avec elle, une critique beaucoup plus large, beaucoup plus développée, qui essaie de comprendre toutes les inégalités sociales, puis qui va en profondeur, puis qui essaie de comprendre tout ça. Par exemple, les associations végétariennes qui ont été créées, par exemple, la guerre civile espagnole, il y a toutes sortes de formes, de gens qui essaient de comprendre que leur oppression en tant qu'être humain, en tant que personnes qui sont soumises à des patrons, peut être la même que celle des animaux qui sont soumis à la domination humaine. Il y a plein de monde, le fait de lutter en soi, ça donne une ouverture aux différentes formes d'oppression, aux différentes formes d'inégalité qui sont présentes. Puis aussi, ça crée une réflexion interne en tant que mouvement sur la manière dont on résiste. par rapport à ça. Puis c'est ça, ensuite de tout ça, ben, il s'est développé vraiment d'autres manières, genre de critiquer les mouvements sociaux de l'interne. Par exemple, je veux dire, il y a beaucoup d'anarchistes qui ont œuvré au sein du banditisme. Par exemple, genre le hold-up, ça a été inventé, entre autres, par des anarchistes en France, genre autour du au début du 20e siècle. Qui ont, avec l'apparition de la voiture, ça devenait possible de juste aller braquer des banques pour faire de la réappropriation populaire. Les premières formes de hold-up, c'était des gens qui prenaient des armes, ils les mettaient dans une voiture, puis allaient braquer des banques pour aller redistribuer l'argent à l'extérieur. Puis il y a différentes personnes genre, qui utilisaient ces formes de résistance-là, des formes de résistance qui sont beaucoup plus individuelles, qui disaient « c'est pas important d'attendre après les masses ». C'est pas important de convaincre les gens. C'est très clair les situations d'inégalité qu'on vit dans notre société. Il faut juste aller prendre des actes. Puis, tous les intellectuels sont en train d'écrire des beaux textes sur pourquoi la société est injuste. C'est juste des espèces de... C'est toutes des personnes, genre, qui, dans le fond, sont des petits bourgeois qui vivent de cette situation-là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme... puis ça, c'est déjà, genre, au tournant du 20e siècle. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, ce que j'essaie de dire ici, genre, c'est que, en tant que mouvement anticapitaliste, ben, tu sais, je veux dire, il y a différentes formes d'action, il y a différentes formes de résistance qui sont complètement antagonistes, tu sais. Je veux dire, il y a des gens qui faisaient de la fausse monnaie en même temps qu'il y avait des gens qui faisaient de la promotion, genre, de l'organisation mutualiste, de la création de coopératives. Tu sais, je veux dire, il y avait tout ça qui était apparu un peu en même temps, puis s'est développé. Puis, ben, tu sais, en tout cas, c'est pour ça qu'on fait un atelier, genre, sur l'histoire, parce que, dans le fond, je pense que c'est vraiment important d'essayer de se positionner par rapport à tout ça historiquement. Puis, ben, c'est ça, aussi, je veux dire, à la même époque, genre, c'est créé la première association internationale des travailleurs, travailleurs et travailleuses, là, qu'on dirait de nos jours, mais à ce moment-là, c'est l'association internationale des travailleurs, en tout cas en France, c'est de la manière dont ils qualifiaient. C'était une organisation internationale de syndicats qui se sont structurés dans le but d'essayer d'avoir un poids collectif. Je veux dire, autour de un poids collectif autour de un poids collectif envers les patrons. Il y avait déjà, tu sais, avec les modes de compagnonnage, tu sais, je veux dire, il y avait déjà une tendance à négocier, par exemple, les une volonté au syndicat de négocier les contrats de manière sectorielle. Par exemple, genre, tous les gens qui travaillent dans l'industrie de l'acier, ben, tu sais, je veux dire, voulaient négocier ensemble, je veux dire, pour le secteur de l'acier, de manière à ce que ce soit possible de faire des grèves générales qui soient vraiment larges et qu'il n'y ait plus d'acier qui soit produit. Puis, en créant des associations internationales, ça empêchait la compétition entre les pays. À cause que, dans le fond, tout le monde est en grève par secteur plutôt que d'être en grève par général de la société, plutôt que d'être en grève de manière sectorielle qui aurait créé de la compétition entre les gens. Puis, oh bordel, là j'ai comme complètement oublié, mais c'est ça. Puis, mais dans le développement du capitalisme, ce qui est vraiment important à observer, c'est que en parallèle du c'est qu'au début même du mouvement des enclosures, il y avait déjà des mouvements de colonisation massifs qui se créaient, puis il y avait déjà genre des normes, la constitution d'une élite genre qui se développait sur le colonialisme, sur le pillage des terres, des terres autochtones. Fait que concrètement, il y avait ça qui se produisait, qui fournissait des capitaux, qui donnait un pouvoir particulier, aux individus qui participaient dans ces pillages-là, qui donnait un pouvoir économique, à une élite qui avait la capacité, Fait que, ça a vraiment permis de créer une énorme masse de capitaux qui ont été réinvestis dans des usines, qui ont permis de donner encore plus de force au capitalisme. Fait que, c'est vraiment important de regarder comment c'est relié. Plus concrètement, ben, pour le développement des marchés, chose que j'ai aussi oublié de dire, c'est que, dans le fond, le capitalisme, ben, comme il y a besoin d'un accroissement, le système capitaliste, comme il y a besoin d'un accroissement des échanges qui est continuel, ben, il y a aussi besoin de développer des nouveaux marchés au fur et à mesure, si jamais les marchés sont saturés. Parce que, à un moment donné, les individus ont juste plus besoin de pain. Il y a juste trop de pain, on n'achètera pas plus de pain. Il y a toujours besoin de créer des nouveaux biens matériels, de créer des nouveaux objets de consommation. Puis aussi, ben, la manière dont on peut faire ça, si jamais on n'a pas de bonnes idées pour le moment, ben, on peut juste aller conquérir de nouveaux territoires, puis aller, aller essayer de développer des marchés dans des territoires où il n'y a présentement pas d'échange, ou ben non, où que le mode de production est différent. Fait concrètement, l'exemple qui est vraiment bon, c'est que l'Angleterre, la première conquête qu'elle a essayé de faire, c'est l'Irlande. Fait que, en allant en Irlande, ben, l'Angleterre a pendant longtemps, s'est battu contre l'Irlande de manière de 1 à 1. Puis, alors que, après, au début du 17e siècle, l'Angleterre s'est pris d'une autre façon. Elle a plutôt essayé de, avoir un contrôle sur le mode de production qui était en place pour, dans le fond, essayer d'influencer les seigneurs pour être capable d'avoir un mode de production qui était le même mode de fermage qu'il y avait en Angleterre. Alors que c'était complètement différent en Irlande, qui avait un système beaucoup plus féodal, qui avait beaucoup moins de. Qui avait un pouvoir, politique qui était conféré au seigneur. Concrètement, ça leur a permis le développement de nouveaux modes de lutte pour le contrôle du territoire, parce que c'était possible de tirer un profit d'un territoire qu'on ne contrôlait pas politiquement. Alors qu'avant, on voyait strictement, la capacité de contrôle d'un territoire par le biais du contrôle des instances politiques. Fait que concrètement, avec l'apparition de ces nouveaux modes-là de contrôle du territoire, ça a fait une augmentation, de l'impérialisme et plus du colonialisme. C'est vraiment important d'observer que, avant la Première Guerre mondiale, il y a eu des énormes élans de colonisation, puis de dépopulation qui ont eu lieu, puis concrètement, ça a fait qu'avant la Première Guerre mondiale, il restait une partie du Libéria, il restait une partie, certains pays d'Afrique n'avaient pas été conquis, mais tout le reste de l'Afrique avait été conquis. Même chose avec l'Amérique du Sud, tout avait été conquéri, il restait une partie de la Chine, une partie de la Mongolie qui n'avait pas été conquis, mais concrètement, ça avait tout été divisé en termes de colonies, en termes de capacité de contrôle sur les différentes terres. Fait que, le colonialisme et puis l'impérialisme, ça a été deux modes qui ont été utilisés pendant tout le 19e siècle pour essayer d'avoir un plus grand contrôle de la part des capitalistes qui sont essentiellement arrivés de l'Angleterre. Fait que, c'est vraiment important d'observer que ces deux courants-là, ont vraiment fait que la planète au complet, c'est rendu genre, c'est comme rendu que, t'as pas le choix d'être né dans un pays, mais alors que Chris, la Terre est à tout le monde, c'est comme ça, pas rapport, c'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, il a fallu qu'on trace des lignes là-dessus, puis qu'on dise c'est quoi un pays, Fait que, concrètement, à cause de tous ces mouvements de colonialisme-là, c'est là qu'on a réussi à diviser des pays, puis créer des États-nations, par rapport à ça. Puis on a créé, la norme d'avoir des gouvernements, par rapport à ça, il y a la naissance des Jeux Olympiques, où ce qui représente les pays également, qui a eu quand même une importance idéologique, à l'époque. Non, mais parce que dans le fond, c'était la représentation des différents pays, des différentes races, selon les dires de Coubertin. Selon Coubertin, qui voulait évaluer les différentes races. Mais, c'est vraiment important de voir que tout ce développement-là, toute l'histoire qu'on se fait dire, il y a un autre aspect à ça. Puis, dans le fond, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de la Première Guerre mondiale, le gros des territoires était divisé, puis essentiellement, va se produire la Première Guerre mondiale. Ou est-ce qu'à la fin, il va y avoir un traité qui va être fait, puis qu'ils vont tous se rediviser la terre. Ils vont comme dire, les puissances coloniales qui avaient besoin de plus en plus de terres, ils sont comme juste dit, toi tu prends cette partie-là de l'Afrique, toi tu prends ci, toi tu prends ça, ce sont comme pratiquement divisé le globe. On est comme parti de l'espèce d'État où il y a tout le monde, puis on est comme rendu dans un système, genre qu'il y a des pays, puis que la norme. Pour avoir le droit de vivre, c'est d'avoir du travail. Fait que là, je laisse ça à date. Bon. Moi, j'ai la tâche ingrate un peu de conclure. Tout le monde est un peu fatigué. Puis moi, j'en ai pas mal de contenu aussi. J'ai le 20e siècle au complet à couvrir. Puis je vais revenir aussi sur certains éléments qui ont déjà été abordés. Puis je vais partir... moi, j'ai fait la partie à partir du courant philosophique libéral qui a été développé jusqu'au néolibéralisme, c'est-à-dire la réintroduction ou la réimposition de dictats libéraux dans la deuxième partie du 20e siècle. Juste avant de partir, je vais rappeler que c'est clair que si on fait le capitalisme au 20e siècle, il va falloir tourner des coins ronds, il va falloir, si on veut, réduire, ratisser, simplifier un petit peu. Puis juste pour savoir un peu, parce que c'est vraiment un atelier d'introduction, je suis curieux de savoir à main levée qui sont familiers avec le système de Bretton Woods. OK, bon, ça me donne une idée que c'est pas tout égal. Donc, moi, je parle justement de la logique libérale, la philosophie libérale, le libéralisme en politique, le libéralisme Donc, la conclusion logique du libéralisme politique, c'est l'application de ces tenants philosophiques-là en économie. Le libéralisme, c'est une école de pensée qui plaçait en priorité absolue la liberté individuelle et la responsabilité individuelle et qui compte une limitation du pouvoir du souverain ou de l'État. Ça coïncide grosso modo justement avec la prise du pouvoir d'État par la bourgeoisie. Suite aux Lumières, suite aux courants philosophiques, aux idées humanistes, tout ça, on juge, les philosophes jugent qu'il faut retirer le plus possible de pouvoir au souverain, ou en tout cas limiter le plus possible de pouvoir au souverain, puis faire en sorte, dans le fond, que l'État ait un impact le plus minimal possible dans la vie du monde. Pas écœurer le monde, on limite les pouvoirs de l'État aux fonctions qui sont dites régaliennes, c'est-à-dire la diplomatie à l'international, la police, les fonctions policières au national, la législation, puis un certain contrôle économique. Les philosophes libéraux vont accorder qu'il faut une certaine fonction économique de l'État, notamment l'émission de la monnaie ou l'administration d'une banque centrale. Mais ce qui est important de remarquer pour les fins de l'atelier, c'est que l'essor de la philosophie libérale correspond grosso modo justement avec la saisie du pouvoir d'État par la bourgeoisie, selon les mécanismes qui ont déjà été un peu expliqués. Donc, ça coïncide grosso modo avec la Révolution française, qui est une révolution bourgeoise, qui n'est pas une révolution prolétarienne. Passage au parlementarisme en Angleterre, dans la foulée des idées des Lumières, etc. Donc, en économie, quand on parle de libéralisme économique, on parle de privilégier la propriété privée, la libre entreprise, la libre concurrence, l'économie de marché. C'est donc une philosophie qui se prête parfaitement à la recherche de profit et à la prolifération du modèle capitaliste. Donc, si les libéraux reconnaissent l'existence de droits fondamentaux, ils ne tiennent pas nécessairement compte, comme les premiers socialistes au 19e siècle, de l'existence des inégalités qui existent entre les classes sociales. Dans la logique libérale, on place tout le monde, grosso modo, sur un pied d'égalité. Tout le monde a les mêmes droits, puis tout le monde a les mêmes responsabilités, sauf que dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des inégalités profondes qui existent entre les exploiteurs et les exploités, les possédants et les travailleurs. Donc, les premiers socialistes, Guillaume a parlé tout à l'heure de Charles Fourier, qui a été décrit comme un socialiste utopique, mais Auguste Blanqui aussi, qui est une autre forme de socialisme, les premiers anarchistes, Proudhon, qui reconnaissent au contraire qu'il existe une guerre permanente entre les riches et les pauvres, entre les exploités et les exploitants et les exploités. Et c'est ça. Donc, la saisie du pouvoir d'État par la bourgeoisie, puis le culte idéologique de la liberté d'entreprise va favoriser l'expansion industrielle, la révolution industrielle, puis conséquemment l'accumulation du capital et l'exacerbation de l'exploitation capitaliste. C'est à l'auteur ou l'économiste / philosophe Adam Smith que revient la paternité, historiquement, que revient la paternité du libéralisme économique, mais en fait, c'est pas exactement vrai, parce que c'est des idées qui avaient déjà été élaborées avant par les libéraux, que lui, il a repris ces idées-là, puis il a tout mis ça ensemble. Mais c'est à lui qu'on attribue, par exemple, la notion de la main invisible du marché, comme quoi, si l'État n'intervient pas dans le marché, tout va bien aller, l'offre, la demande, ça va se réguler, la richesse va se répartir, tout va bien aller. Sauf qu'on sait évidemment que ça ne marche pas comme ça. Les tensions inhérentes entre les classes possédantes et les classes ouvrières ou les pauvres sont toujours exacerbés par le laisser-faire, parce que c'est toujours les mêmes qui en tirent profit, puis c'est toujours les mêmes qui sont exploités. Puis c'est justement de ce constat-là, la conscience de classe, puis des travaux des premiers socialistes qui ont été puis des philosophes comme Marx et Engels, que va découler la création des grandes organisations communistes comme la première internationale, l'Association internationale des travailleurs, les premiers syndicats révolutionnaires, la création des bourses de travail, qui étaient tous des véhicules, dans le fond, de l'organisation de la classe ouvrière comme force politique d'opposition à l'exploitation capitaliste. C'est la première, dans le fond, ça a été, je pense que Guillaume l'a dit en d'autres mises, la première, même s'il y avait des résistances au capitalisme avant, c'est la première tentative d'une organisation de masse, une organisation anticapitaliste de masse, de contre-pouvoir. Donc, l'agitation et l'organisation révolutionnaire de la classe ouvrière en Europe, ça va mener à l'adoption en 1906 de la charte d'Amiens, qui confirme, dans le fond, le caractère révolutionnaire de l'activité syndicale, puis ça définit l'action syndicale comme visant à transformer radicalement les rapports sociaux, les rapports de force socio-économiques. C'est aussi, je vais passer, j'aurai pas le temps de passer sur tout ce que je voulais dire, mais brièvement aussi aux États-Unis, il y a une conception du syndicalisme révolutionnaire qui est incarnée par les Industrial Workers of the World, qu'on connaît aussi sous le terme des Wobblies, qui a été fondée en 1905. Et il faut comprendre qu'aux États-Unis, déjà, c'est l'ère de l'âge d'or de ce qu'on a appelé le capitalisme sauvage, c'est-à-dire les conditions dans les manufactures, les conditions de travail qui sont absolument horribles. On parle de manufactures où il n'y a pas de conditions de sécurité, il n'y a pas de conditions de santé, il y a des situations de manufactures de textiles, par exemple, qui vont poigner en feu, puis toutes les ouvrières vont crever. Donc, il y a depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies aux États-Unis, rendu au début du 20e siècle, une tentative de revendiquer des droits fondamentaux pour les travailleurs. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est revendiquer la journée de 8 heures. Et puis déjà le 1er mai 1886, il y a une grève générale qui est organisée dans plusieurs villes aux États-Unis, justement qui est rattachée à la revendication pour la journée de 8 heures. Et puis ça va ça, bon, il y a la répression, il y a une bombe qui explose après des discours, etc. Puis là, les autorités vont s'attacher à vilifier, à diaboliser les organisateurs syndicaux, notamment c'est des organisateurs anarchistes qui vont être trouvés coupables, qui vont être accusés, trouvés coupables de cet attentat-là, et qui vont, certains vont être pendus, d'autres vont être exilés. Et ça, c'est le départ, dans le fond, de la tradition du 1er mai. Donc, je le mentionne parce que c'est important de mentionner que la tradition du 1er mai, et ce n'est pas nécessairement su et connu ici au Québec, au Canada, est une tradition explicitement révolutionnaire, explicitement anticapitaliste. Cela dit, c'est ça, puis ça va être un des thèmes là, que je vais explorer, c'est que le système capitaliste est extrêmement résilient, puis arrive toujours à récupérer les forces, ou en tout cas, on constate quand on étudie l'histoire un peu que le système capitaliste a presque toujours réussi à récupérer les forces, la résistance, de différentes façons. En Europe, par exemple, il vient d'être question un peu de la Première Guerre mondiale, l'exacerbation des nationalismes au sein des puissances colonisatrices rivales va amener notamment le fait que l'Allemagne, était frustrée de ne pas avoir tiré son épingle du jeu dans le jeu de la colonisation. Et puis ça va exacerber les tensions nationales à l'intérieur des différentes nations. Les nationalismes vont être exacerbés. Puis c'est une des raisons, des motifs qui vont amener à la Première Guerre mondiale. Puis ça va avoir un effet dévastateur, en fait, sur la réalité de l'organisation syndicale ouvrière internationale. Parce que on parle d'un concept du syndicalisme qui est industriel, mais qui est aussi internationaliste. Quand évidemment il y a des tensions nationales qui surgissent, bien, ça vient déstabiliser, ça vient subvertir l'idée d'une one big union, d'un syndicalisme industriel à caractère révolutionnaire. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est le principe même de syndicalisme qui va être attaqué à l'idée d'un syndicalisme industriel, un syndicalisme révolutionnaire s'oppose une forme de syndicalisme corporatif, un syndicalisme de métier. On va voir s'opposer les intérêts des différents métiers au lieu de regrouper tous les intérêts de toute la classe ouvrière ensemble. Ça va évidemment fragiliser la solidarité ouvrière. Puis ça va aussi favoriser, dans une certaine mesure, l'émergence d'une ce qu'on a appelé une aristocratie ouvrière, c'est-à-dire les ingénieurs, les travailleurs spécialisés, vont se placer, leurs intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes que les ouvriers, les travailleurs qui sont non spécialisés. Donc, il va y avoir là déjà des divergences qui vont être exploitées par le système capitaliste. Puis le système capitaliste, justement, a beaucoup misé sur cette division-là. Il faut aussi parler de la consommation. Le système capitaliste, comme on le connaît aujourd'hui, n'aurait pas pu perdurer au 20e siècle sans la participation active des travailleurs dans le système sans la consommation. Donc, il a fallu, à un moment donné, que le système capitaliste permette un certain pouvoir d'achat qui va au-delà de la simple subsistance. Je vais prendre mon souffle. Donc là, je voulais introduire justement la notion de consommation ostentatoire qui est introduite par un sociologue du début du 20e siècle qui s'appelle Thorstein Veblen. Et puis, sa théorie, dans le fond, c'est que les classes aisées, pour bien marquer leur statut, vont gaspiller du temps dans des loisirs oisifs, puis ils vont gaspiller de l'argent dans des biens qui ne servent à rien, donc des biens luxueux. Ils vont s'acheter des voitures de luxe, ils vont s'acheter une troisième maison, ils vont s'acheter ci, ils vont s'acheter ça, du linge fancy, etc. Et dans le fond, le système capitaliste va beaucoup miser sur l'émulation les classes, donc en donnant un peu plus de pouvoir d'achat aux classes moyennes qui sont en train d'émerger ou aux travailleurs, ça va permettre de stimuler l'économie par l'émulation. Les gens de la classe moyenne vont vouloir essayer de d'imiter les riches, donc en se procurant des cossins ou en essayant de dégager de l'argent, en travaillant en plus. D'ailleurs, ça va arrimer la classe ouvrière au travail. Pour émuler, dans le fond, les riches, en s'achetant des cossins, ça va stimuler l'économie puis ça va stimuler l'industrie. Là, j'avais toute une passe, en fait, je pense, sur la bourse. Je pense qu'on va passer par-dessus. Ça, pour dire, en fait, la conclusion de ça, c'est que la bourse, qui est le lieu où sont échangés les biens, où les prix sont fixés, dans le fond, vient dans les mécanismes de la bourse est introduite la question de la spéculation. Et en fond, c'est un peu compliqué, fait qu'on va pas, je pense qu'on va passer par cette passe-là. Non, mais je peux le faire, c'est juste une question de temps. Ben, je peux y aller brièvement, en fait. Il faut comprendre que la spéculation sur les valeurs itinérantes, ça fait partie intégrante du développement des marchés financiers. Et la spéculation, dans le fond, puisque les agents capitalistes sont toujours, par définition, motivés par la recherche de profit, va toujours être employé pour exagérer la valeur réelle et surtout la valeur future des biens échangés. Puis la spéculation débridée sur les valeurs futures entraîne toujours une déstabilisation des marchés, puis c'est comme ça qu'on voit que sur les marchés boursiers, c'est cyclique, il y a toujours des bulles spéculatives et ça explose. Le premier exemple de crash boursier est dû à la spéculation a eu lieu en 1637. Donc, on parle là, juste des décennies, à peine quelques années après la création des premières bourses qui servaient à échanger les titres ou définir les prix. Puis, concernait la valeur des bulbes de tulipes en Hollande. Alors, on a de la misère à s'imaginer, mais à ce moment-là, le bulbe de tulipe était un item de luxe je parlais de consommation ostentatoire. Donc, tu as les classes aisées un peu partout en Europe qui veulent montrer leur statut. Puis, une façon de montrer leur statut, c'est d'avoir des grands parterres avec plein de bulbes de tulipes. Donc, à un moment donné, justement, les bulbes de tulipes étaient échangés, tout ça, sur les marchés boursiers. Puis, la spéculation fait en sorte éventuellement qu'un seul bulbe de tulipes atteigne la valeur de 2 maisons et 15 fois le salaire annuel d'un ouvrier moyen à Hollande. Alors, c'était clair que tôt ou tard, le choc de réalité entre la valeur réelle et la valeur spéculative allait faire s'éclater, dans le fond, la bulle de spéculation. Puis, il y a eu d'autres crashs comme ça. Il y en a un autre important en 1720, en Grande-Bretagne, qui était suite, en fait, à la pratique des échanges de dettes et surtout à la spéculation sur la valeur potentielle du commerce avec les colonies. Alors, c'est un phénomène, dans le fond, qui n'a rien de nouveau. Les crises économiques sont cycliques. Puis, à peu près toujours dû aux mêmes raisons, soit la spéculation doublée de, la cupidité des capitalistes, forcément. Donc, puis évidemment, le crash qu'on connaît le plus, c'est celui de 1929, qui était lui aussi dû à la spéculation effrénée. L'introduction, par exemple, c'était légalisé dans les années 20, au début des années 20, je pense, c'était légalisé le fait d'acheter des actions à crédit. Donc, c'est-à-dire sur une valeur de 10 $, je pouvais déposer 1 $ puis partir avec l'action. Sauf qu'éventuellement, ça a fait qu'il n'y avait plus de capitaux sur les marchés, il y avait juste de la valeur, puis de la fausse valeur, dans le fond. Donc, en 1929, ça a explosé, puis ça a généré la plus grande crise de l'histoire des États-Unis. Ça a fait grimper le taux de chômage aux États-Unis jusqu'à presque 25 % en 1933. Puis, il y avait 2 millions d'Américains qui étaient littéralement dans la rue, qui étaient sans emploi, parce qu'il y a eu des milliers de faillites de petites entreprises qui se sont faites fourrer sur le marché. Là, j'avais une anecdote, parce qu'il y a plein de monde qui ne savent pas ça, mais la lutte des classes n'a pas toujours épargné Wall Street. Le 16 septembre 1920, il y a une bombe, c'était le premier En Amérique du Nord, en tout cas, peut-être possiblement le premier exemple d'attentat de bombe de voiture piégée date de 1920, puis c'est des anarchistes justement qui s'inscrivaient dans cette logique de propagande par le fait qui a été décrite plus tôt par Guillaume. C'était des ouvriers italiens anarchistes qui arrivaient avec cette culture-là d'organisation de lutte des classes, de guerre des classes, qui ont fait péter une bombe dans un chariot tiré par des chevaux juste sur Wall Street, juste en avant de la banque J.P. Morgan, qui a fait plusieurs blessés, plusieurs morts. Donc, pour se ressortir, pour revenir un peu à la chronologie, on est rendu à la Grande Dépression. Puis pour se sortir un peu de la Dépression, il y a FDR, Roosevelt, dans le fond, qui va prendre le pouvoir en 1933 en promettant au peuple américain qu'il allait redresser l'économie, qu'il allait relancer l'économie. Puis sa solution pour ça, c'est ce qu'il va appeler le New Deal. Le New Deal, ça consistait en fait une série de programmes qui visaient à atténuer les effets de la Grande Dépression en créant des jobs de gouvernement, des milliers de jobs de gouvernement, en stimulant la croissance économique avec des projets d'infrastructure puis toutes sortes de projets de relance, puis en réformant les lois qui encadraient la bourse, les banques, etc. Le New Deal a eu des effets bénéfiques pendant une couple d'années, mais évidemment, ça allait contre les préceptes même de la philosophie libérale, l'interventionnisme de l'État. Ça allait contre les intérêts et l'idéologie libérale. Donc, il y a eu, à ce moment-là, contre Roosevelt, il y a eu, et quelque chose qui n'arrive pas souvent aux États-Unis, une coalition bipartite de conservateurs qui l'ont bloqué, dans le fond, qui ont bloqué les effets du New Deal au Congrès. Donc, à la fin des années 30, il y a eu une nouvelle récession qui a plongé les États-Unis, ont été plongés dans une nouvelle récession, mais ça... Je vais prendre. Ça a quand même coïncidé, ça, puis c'est là qu'on voit un peu l'ironie du sort, c'est que ça a coïncidé avec la préparation pour la Deuxième Guerre mondiale. Puis les États-Unis ont été, je pense que c'est assez connu, la nation qui a le mieux tiré son épingle du jeu. Puis au moment même où ils tombaient en récession, bien, ils commençaient à recevoir les carnets de commandes d'armement 1937 à 1938 du gouvernement français, du gouvernement britannique, qui, eux autres, se préparaient pour la guerre qui s'en venait. Donc, le gouvernement américain va investir massivement dans la production, la recherche, le développement en matière d'armement. Et puis, la production va dépasser, en fait, celle de toutes les nations industrialisées. Puis, au moment de l'entrée des États-Unis dans le conflit, c'est toute la société civile qui va être mobilisée par l'industrie quand les États-Unis, c'est ça, entrent dans le conflit en 1941. Si bien qu'en 1944, le budget de la défense américain représente 96 % du produit brut, du produit intérieur brut du pays. Donc, évidemment, les capitalistes ont vu dans la guerre, dans l'armement, dans la défense, etc., une opportunité. Puis c'est ça qui va marquer, dans le fond, le début du complexe militaro-industriel, ce qu'on va appeler, ce qui va être appelé ou ce à quoi on va référer par la notion de complexe militaro-industriel, c'est-à-dire la collusion systémique qui existe entre des éléments du gouvernement, de l'État, les forces armées et l'industrie privée de l'armement. Donc, cette triangulation-là, la collusion ou l'overlap, si on veut, des intérêts de ces trois entités-là, ce qu'on va appeler le complexe militaro-industriel. Là-dessus, d'ailleurs, il faut remarquer que c'est les mêmes libéraux classiques et les néolibéraux après la Deuxième Guerre qui s'opposent idéologiquement à toute forme d'intervention de l'État, mais qui vont pousser le plus fort pour continuer à mettre du cash dans la défense, qui va constituer, en 2003, au moment de l'intervention en Irak, on parlait, je pense, de 400 milliards, au-delà de 400, 500 milliards, des budgets hallucinants investis dans la défense, mais quand on observe ça, c'est une forme d'intervention de l'État pour stimuler l'économie. Donc, c'est les mêmes, c'est l'hypocrisie un petit peu des néolibéraux, comme quoi il ne faut pas investir dans... Il faut que l'État laisse complètement le marché aller, mais il y a quand même là une forme d'intervention. C'est aussi, évidemment, il y a une deuxième fonction, hein, évidemment, c'est que ça maintient de booster l'industrie de l'armement, puis de booster l'armée, puis de booster toute cette culture militaire-là, ça contribue à l'impérialisme américain. Pendant toute la période d'après-guerre, puis pendant la guerre froide, sous l'influence de l'école néoconservatrice dans les sphères du pouvoir, la machine de propagande américaine a exagéré la menace communiste justement pour justifier l'investissement massif de l'État dans l'industrie de la défense et puis pérenniser l'économie de guerre, parce qu'on parle là, de, pour la relance économique, on a parlé, on a inventé ce concept d'économie de guerre, justement. Et l'économie américaine va sortir de la guerre complètement confortée dans sa position d'économie la plus puissante au monde, avec une industrie qui est en croissance et qui avait accumulé beaucoup de capitaux. Justement parce que les États-Unis n'avaient pas été, l'infrastructure des États-Unis n'avait pas été touchée comme c'était le cas pour les puissances européennes. Donc, la production industrielle en 1945 avait doublé par rapport à ce qu'avait été juste avant la guerre. D'ailleurs, l'après-guerre va signaler une reprise de l'industrie en général, puis un regain de l'économie. C'est ce qu'on va appeler en France, on va nommer ça les 30 glorieuses, soit grosso modo la période qui est comprise entre la fin de la guerre en 1945 et le premier choc pétrolier en 1973. Les 30 glorieuses ont vu une diminution dramatique du taux de chômage dans les pays occidentaux, pour même en arriver prétendument au ce qu'on appelle le plein emploi, c'est-à-dire le zéro chômage dans plusieurs pays. Il faut aussi dire que les conditions de vie des classes moyennes, même dans une certaine mesure de la classe ouvrière en Occident, sont considérablement améliorées. Puis donc, ce qui a favorisé le phénomène de consommation et ce qui a stimulé l'industrie. Évidemment, la prospérité des pays du Nord ne se traduit pas nécessairement par une prospérité égale des pays du Sud. On va voir apparaître à ce moment-là la notion de néocolonialisme, soit l'exploitation systématique des pays qui sont sous-développés ou qui sont en voie de développement, ou du Sud global, ou du tiers-monde, comme on voudra, qui vont être exploités au profit des puissances capitalistes du Nord, mais qui vont être administrées par les élites nationales, donc qui vont être acquises, les élites nationales vont être acquises, en quelque sorte, aux intérêts étrangers. Et puis, ce phénomène-là s'est accentué et puis était garanti par une politique étrangère agressive aussi des États-Unis, qui assurait un flot constant de matières premières dans l'économie du Nord. C'est l'époque justement des opérations secrètes. On va pas aller. Ah, il neige, c'est cute. On va pas aller dans le détail, mais bon, la CIA a été créée en 1946 à partir des services secrets qui avaient été formés par les États-Unis avant la guerre. Et on va voir après la guerre, justement, le début des interventions secrètes pour déstabiliser des pays démocratiques. On va parler de l'Iran en 1953, du Guatemala en 1954, Chili, les États-Unis percevaient à ce moment-là l'Amérique du Sud comme leur cour arrière, comme si ça leur appartenait, comme c'était à eux pour exploiter l'Amérique du Sud, donc c'était tout à fait normal. Puis c'est aussi l'époque des interventions impérialistes qui visaient à peu près les mêmes objectifs. On va penser évidemment à la guerre du Vietnam, mais la guerre de Corée, c'était aussi une guerre d'intérêt géostratégique. La période de prospérité d'après-guerre, aussi dans le contexte de bipolarité, a signalé la première grande poussée vers la mondialisation du système capitaliste, soit l'intégration internationale de l'économie de marché capitaliste. Et c'est à ce moment que vont survenir les accords de Bretton Woods en 1944, avant même la fin de la guerre, qui avait jeté les bases du système financier international. Donc, l'objectif des accords de Bretton Woods, ce qu'on a appelé le système de Bretton Woods, était de mettre en place une organisation monétaire mondiale et favoriser la reconstruction et développement économique des pays touchés par la guerre. Et puisque les États-Unis, justement, étaient sortis nettement avantagé de la guerre, c'est eux autres qui avaient le gros bout du bâton, en quelque sorte. L'intégration du système de Bretton Woods s'est en grande partie articulée autour des intérêts et surtout des demandes des acteurs américains, notamment le système monétaire mondial s'est organisé autour du dollar américain avec un rattachement nominal à l'or. Les accords de Bretton Woods ont vu la formation de deux organismes déterminants pour la deuxième partie du 20e siècle, qui sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Deux organisations qui ont leur siège à Washington, et c'est pour ça qu'on va plus tard parler, quand il est question des politiques néolibérales, de la philosophie néolibérale, du consensus de Washington. Parce que c'est de là, c'est de la... le consensus de Washington puis toute la philosophie néolibérale vient beaucoup de l'Université de Chicago. On va appeler l'École de Chicago, tous les professeurs les économistes qui enseignent à l'Université de Chicago vont former une espèce d'idéologie, vont former une école idéologique extrêmement influente qui vont déterminer beaucoup les politiques du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'est ce qu'on appelle justement le consensus de Washington. À Bretton Woods aussi, il était question de créer un organisme qui allait réguler le commerce international, mais ils ne sont pas arrivés à s'entendre immédiatement. Mais une couple d'années plus tard, en 1947, il y a 23 pays qui ont signé le GATT, qui est le General Agreement on Tariff and Trade, qui est l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce, qui, dans le fond, ne va être créée qu'en 1995, beaucoup plus tard, puis on va y revenir. Évidemment, le phénomène de redressement des économies, c'est clairement une forme d'impérialisme économique, donc d'asservissement économique, qui est le volet complémentaire là, du néocolonialisme puis de l'impérialisme militaire qu'on décrivait plus tôt. Même si la menace communiste était grandement exagérée, comme j'ai dit tantôt, en Occident, pendant la guerre froide, et surtout en Amérique du Nord, il n'en est pas moins vrai qu'il y a eu dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, plusieurs tentatives de résistance au capitalisme et de solutions alternatives, de solutions de rechange au capitalisme. Le premier bouleversement majeur, je pense, on pourrait associer avec la guerre civile en Chine qui a donné la naissance à la République populaire de Chine, mais où on pourrait parler de Cuba, où on pourrait parler d'autres exemples historiques peut-être plus macro-politiques. Mais je pense que c'est important d'observer peut-être l'émergence de résistances qui sont plus localisées. Moi, personnellement, j'ai choisi de parler des Black Panthers parce que, à mon avis, c'est une forme de résistance qui était localisée, qui était propre à une communauté, qui était propre à un contexte socio-historique, mais qui avait un caractère explicitement anticapitaliste. Ça va être correct. Donc, on va aller vite, dans le fond, là, sur les Black Panthers. C'est vers la fin des années 60, on a vu l'émergence de plusieurs mouvements de lutte pour l'autodétermination. Dont un des plus connus, c'est justement le Black Panther Party for Self-Defense, qui était vraiment un mouvement de base issu directement des communautés noires les plus marginalisées, qui en sont venus, dans le fond, à la conclusion que l'approche purement pacifiste ou l'approche purement légaliste qui est incarnée par le mouvement des droits civils aux États-Unis par Martin Luther King suffirait pas à extirper la communauté afro-américaine de la misère puis des conditions d'exploitation dans lesquelles ils souffraient encore. Les conditions de ségrégation étaient encore en place aux États-Unis dans une large mesure. Donc, les Black Panthers prônaient une lutte armée pour l'autodéfense de la communauté contre la brutalité policière, mais ils mettaient également en place des programmes communautaires à caractère anticapitaliste et aussi, bien évidemment, antiraciste. Donc, le plus connu, c'est probablement le programme des déjeuners gratuits pour les enfants. Donc, à chaque jour, parce que dans les communautés pauvres, évidemment, on ne peut pas garantir que les enfants vont manger à tous les jours. Donc, il était question de donner un bon repas gratuit chaque matin avant d'aller à l'école. Mais l'aspect le plus important de ça, ce n'était pas tant de nourrir les enfants, il y a ça évidemment, mais il y a d'exposer les enfants dès leur plus jeune âge à un esprit, une conscience communautaire, à un esprit aussi d'émancipation, à une volonté. C'est une idée de résistance, dans le fond, à le régime de consommation, la mentalité capitaliste, etc. C'est cet esprit de communauté, cette conscience communautaire. Les Black Panthers, c'est organisé comme une armée, là, c'est extrêmement discipliné. D'ailleurs, le cofondateur du mouvement, Huey Newton, avait articulé un programme en 10 points que chaque membre devait connaître. Ça, c'est peut-être les questions un peu autoritaires, parce que, bon, Huey Newton était fortement influencé justement par Mao Tse-tung, mais il était aussi influencé par d'autres littératures, notamment la littérature de décolonisation de Frantz Fanon ou les discours de Malcolm X sur les conditions de vie de la communauté noire aux États-Unis et sur l'émancipation. C'est ça. Les Black Panthers ont connu un succès aussi rapide que fulgurant, je dirais, en 1966 puis 1970. Leur potentiel ne semblait pas, dans le fond, connaître de limites. Pourvu qu'un mouvement soit laissé à se développer. Puis d'ailleurs, les Black Panthers ont fait beaucoup d'émules. Il y a eu les White Panthers qui ont été créés, qui ont existé pendant un certain temps, où en fait, c'était Huey Newton, dans une entrevue à la radio, avait fait une joke. On lui demandait qu'est-ce que les Blancs peuvent faire pour soutenir la cause des Black Panthers. Puis il avait dit un peu en joke, bien, ils pourraient créer les White Panthers. Puis c'est un contexte de contre-culture où les idées radicales aux États-Unis circulaient beaucoup. Puis il y a des petits comiques, dans le fond, qui l'ont pris au mot, puis ont créé les White Panthers avec des objectifs plus ou moins similaires. Mais il y avait d'autres mouvements, là, peut-être un peu plus sérieux, des mouvements d'autodétermination peut-être un peu plus sérieux, comme les Young Lords, qui étaient en fait un ancien gang de jeunes portoricains qui se sont politisés, qui se sont radicalisés avec le contact, dans le fond, avec les idées qui étaient véhiculées par les Black Panthers, ou le American Indian Movement, par exemple, qui était un mouvement d'autodétermination des communautés autochtones. On peut aussi évoquer des groupes révolutionnaires qui sont issus du mouvement étudiant, le plus connu étant le Weather Underground, qui est un groupe de radicaux blancs qui s'inspiraient beaucoup des idées de décolonisation, anti-impérialistes, qui ont fait une série d'actions directes et de bombardements entre 1969 et 1973, mais c'est un mouvement ça, qui était beaucoup plus issu de milieux de la contre-culture, de milieux de privilèges, si on veut. Donc, le potentiel subversif des Black Panthers et des autres mouvements du même genre ont fait tellement peur aux autorités que le FBI, puis son directeur à l'époque, J. Edgar Hoover, ont déployé un programme de déstabilisation, de subversion, appelé COINTELPRO pour Counterintelligence Program. Ils ont infiltré des informateurs, des provocateurs dans les mouvements, surtout dans le mouvement, en fait, leur cible privilégiée, c'était les Black Panthers, planté des fausses informations, fomenté des querelles entre les leaders, puis fait toutes sortes d'autres coups bas, là, puis ça a fonctionné parce qu'éventuellement, les Black Panthers se sont peu à peu désintégrés dans les années 70 et les membres les plus sérieux des Black Panthers, en fait, sont partis et ont créé la Black Liberation Army, qui est explicitement dans ses principes anticapitalistes, anti-impérialistes, antiracistes et aussi antisexistes. On pourrait aussi parler, mais on va passer là-dessus, mais on pourrait aussi parler de plein d'autres groupes de guérillas urbaines dans les années 70, et dans les années 80, en Europe, les plus connus, c'est la Red Army Fraction en Allemagne, l'Action Directe en France, c'est ça, qui sont des groupes, dans le fond, qui s'inspiraient, qui étaient révolutionnaires, qui s'inspiraient des idées anti-impérialistes d'ultra-gauche. Ben, je vais passer, on va en fait, juste pour accélérer un petit peu, on va se rendre, dans le fond, dans les années 70, parce que je parlais des Trente Glorieuses, la période de prospérité d'après-guerre, ça a été, dans le fond, coupé par le choc pétrolier, la première crise du pétrole dans les années 70, entre 71 et 73, qui a, dans le fond, marqué la fin du party d'après-guerre et puis le retour de l'austérité, si on veut. Le choc pétrolier des années 70 est attribué à trois causes. Donc, le pic de production du pétrole sur le territoire des États-Unis. Donc, c'était plus possible pour les États-Unis de produire du pétrole. Donc, là, il était de plus en plus dépendant de l'importation. La décision unilatérale de Washington en 71 d'abandonner le système monétaire mondial qui avait été adopté à Bretton Woods, que je disais l'association nominale de l'or au dollar américain. Alors, Nixon y a tiré la plug là-dessus pour permettre au dollar américain de fluctuer. Et, dans le fond, le facteur le plus décisif, c'est la guerre israélo-arabe en 73, où Nixon, en fait, a fourni de l'armement à Israël. Puis, tous ces facteurs-là ont poussé les pays producteurs de pétrole à dans le fond, baisser leur production, à s'entendre pour baisser leur production et faire augmenter les prix au baril comme moyen de pression, dans le fond, sur l'Occident pour que l'Occident cesse de soutenir Israël unilatéralement. Donc, il y a eu un autre choc pétrolier vers la fin des années 70 et là, de plus en plus, on s'est rendu compte que c'était vraiment la fin de la période du pétrole cheap ou de l'essence cheap. Puis là, on arrive aux années 80, dans le fond, qui marque l'âge d'or du libre-échange avec l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, pas du libre-échange, mais du néolibéralisme, pardon, avec comme véhicule le libre-échange, avec l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni et d'autres ailleurs. Nous, on a eu Mulroney aussi à la moitié des années 80. Donc, c'est le triomphe à ce moment-là du néolibéralisme, pratiquement sans opposition. Et puis, c'est l'austérité qui revient là, sur le plan national et la dérégulation, donc les recettes de l'école de Chicago, quand je parlais tantôt de l'école de Chicago, puis de la recette, des recettes néolibérales, des politiques, dans le fond, qui étaient imposées par la philosophie néolibérale à travers des véhicules comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Et, dans le fond, je ne ferai pas le tour au complet, mais c'est là où on en est, dans le fond. On est encore dans l'héritage de cette dictature-là du néolibéralisme. Et les dictats, dans le fond, les dictats de cette philosophie-là, la recette néolibérale, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'imposition de politiques d'austérité. On parle des compressions massives dans les dépenses publiques, de la diminution des impôts pour les particuliers, mais surtout pour les corporations, libéralisation du commerce extérieur, déréglementation des marchés, élimination le plus possible des tarifs et des barrières à l'investissement étranger, privatisation des services publics, financiarisation, etc. Ce qui est imposé... Donc, le FMI puis la Banque mondiale, dans le fond, étaient responsables des programmes, des plans d'ajustement structurel dans la deuxième partie du 20e siècle. Quand ce qu'est un programme d'ajustement structurel, c'est l'imposition justement de ces dictats-là à une nation dont l'économie est en difficulté. Ils vont se tourner vers la Banque mondiale, vers le FMI pour avoir un prêt pour relancer leur économie. En échange de ça, le Fonds monétaire international va leur imposer une série de recettes, dans le fond, qu'ils vont devoir faire et qui va, dans le fond, ouvrir, quand je parlais d'ouverture des marchés ou d'ouverture à l'investissement étranger, mais c'est d'ouvrir au cash, aux intérêts étrangers. Donc, c'est l'asservissement de ces économies-là aux intérêts du Nord. Ça va être aussi dans les années 80, pour y revenir, quand on parle de dérégulation puis d'ouverture des marchés, c'est l'époque des accords de libre-échange. Donc, l'accord de libre-échange canado-américain qui va être ratifié le 2 janvier 88, l'ALENA qui entre en vigueur le 1er janvier 94 et qui c'est la date, évidemment, aussi du premier soulèvement zapatiste qui est spécifiquement pour marquer la date d'entrée en vigueur de l'ALENA. Et aussi, dans les années 90, on va voir j'en parlais tout à l'heure, la création de l'Organisation mondiale du commerce pour uniformiser les règles du commerce international entre les pays. On pourrait parler de la zone de libre-échange des Amériques, on pourrait parler de toutes les espèces de zones de libre-échange, ou projets de zones de libre-échange qui ont été beaucoup débattus dans les années 2000. Mais ces espèces de grands ententes cadres tendent à être remplacées de plus en plus par des accords bilatéraux de pays à pays, parce qu'on s'est rendu compte dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce, dans les négociations, par exemple, de la zone de libre-échange des Amériques, qu'il est de plus en plus difficile, voire impossible, de concilier les intérêts différents ou divergents entre les grandes économies, les économies des pays industrialisés, on va parler de l'Amérique du Nord, de l'Union européenne, etc., des économies émergentes, des grosses économies comme le Brésil, l'Inde, la Chine, et des économies des pays en voie de développement. Alors, tous ces pays-là qui essaient de s'entendre autour d'une table, mais qui ont des intérêts complètement divergents, alors ça devient extrêmement difficile de conclure des ententes au sein de l'Organisation mondiale du commerce ou de vraiment paraffer, signer des ententes comme la zone de libre-échange des Amériques. Alors, ce qu'on va voir émerger de plus en plus, c'est des accords bilatéraux, comme par exemple, ce qui est en train de se négocier actuellement, c'est l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Donc, pour faire le tour aussi des institutions supranationales du capitalisme, on ne peut pas oublier de parler du G8. Donc, le G7 a été créé en 1975 à partir des 7 plus grosses économies du monde, soit la France, les États-Unis, l'Allemagne de l'Ouest, avant la réunification, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon. L'année suivante, le Canada va se joindre pour créer le G7. Et puis, la Russie s'est jointe au G7 en 1997 pour former le G8. Puis ensuite, le G20. Était initialement le G20 qui a été créé, grosso modo, à la fin des années 90, mais ce qui était surtout, en fait, une concertation des ministres des Finances des différentes économies. Et puis, c'est avec la crise de 2007-2008 que le G20 va être consolidé avec les sommets réguliers du G20, puis qui vont dépasser seulement les ministres des Finances, mais qui vont inclure les chefs d'État. La dictature du néolibéralisme a engendré une forte opposition de la base dans la deuxième moitié des années 90, à partir du premier soulèvement zapatiste et grosso modo jusqu'au 11 septembre 2001, parce que, dans le fond, c'est ce qu'on va appeler le mouvement anti-mondialisation ou le mouvement pour la justice globale, il y en a qui ont appelé ça le mouvement altermondialiste, peu importe comment on l'appelle. C'était donc cette poussée par le bas d'opposition au néolibéralisme, au système capitaliste mondial. Et je n'irai pas à travers tous les jalons du mouvement, mais évidemment, je pense qu'un moment marquant, c'était les grandes manifestations contre l'Organisation mondiale du commerce en novembre 1999 à Seattle, qui a été suivi par justement les manifestations à Québec contre le sommet des Amériques, la zone de libre-échange des Amériques. Il y a eu aussi ensuite, la même année, quelques mois plus tard, de grandes manifestations à Gênes, en Italie, contre le sommet du G8. Et dans le fond, dans le fond, je pense qu'on veut, si on veut se garder du temps pour poser des questions, on va arrêter ça là. Mais je vais inviter le monde parce que là, moi, j'arrête là, mais il y a un atelier qui va donner plus tard, qui va parler beaucoup de justement des mouvements sociaux et du mouvement de justice globale, qui va donner par Jaggi, qui est en train de faire des signes, qui veut dire quelque chose. Je suis ici.